Bonjour tout le monde, ici Luc. Juste un petit préambule à l'émission de cette semaine. Cette semaine, on fête notre 100e émission, donc on est très fiers, très heureux. Moi et Marc, on était ensemble pour le faire. On a fait le premier bloc en roulant vers où on allait chercher la voiture de Marc pour le week-end. Et puis, on s'est aperçu, en faisant le montage, je me suis aperçu que le son n'est pas vraiment bon. Ça donne que la Nissan GT-R n'est pas nécessairement un bon studio d'enregistrement quand on roule. Donc, le son est moins bon dans le premier bloc, mais se replace dans le deuxième bloc quand on est assis dans la voiture de Marc pour faire l'enregistrement. Donc, c'est un peu mieux. Donc, je vous avertis tout de suite, le son du premier bloc n'est pas super. Malheureusement, même si j'ai essayé avec mon logiciel, j'ai pas été capable d'arranger les choses suffisamment. Mais vous pouvez tout entendre ce qu'on dit, mais c'est juste que le son n'est pas super bon. Là-dessus, je vous souhaite une super belle émission et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté Ça roule radio, peut-être depuis le début, peut-être depuis tout récemment, mais je vous remercie d'écouter cette émission. Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Et encore une fois, l'émission porte vraiment son nom aujourd'hui parce qu'on roule, on est en Nissan GT-R. Je suis avec mon collègue et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Il y a pire comme journée. Oui, effectivement. Aujourd'hui, ça va être une belle journée et encore plus belle. J'aurais dû rester à la voie de service. Oui, parce que Marc conduit pendant qu'on enregistre. Moi, je suis à côté puis je tiens le téléphone qui nous sert de studio d'enregistrement aujourd'hui. Donc oui, Marc, il faut prendre la 13 parce qu'on s'en va présentement à Laval pour aller chercher la deuxième voiture dont on va vous parler aujourd'hui un peu plus tard. Ouais. On va vous parler de la GT-R qu'on est assis dedans présentement et on roule. Mais comme premier bloc, c'est pas vraiment ça que je voulais faire, Marc. D'habitude, on fait des nouvelles, on parle de toutes choses, de toutes sortes de choses différentes. Aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu de toi. Ouais, ça va être long. Les gens qui veulent rien savoir sur Marc, ben passez au prochain au prochain bloc, ça sera plus simple. Mais Marc, je veux savoir comment tu es entré dans l'univers du journalisme automobile. Écoute, vraiment par hasard. Moi, je suis journaliste général de formation. Okay. C'est ce que j'ai fait. J'ai étudié pour être journaliste. Okay. Et en 1996 jusqu'en 2000, j'étais rédacteur en chef d'un petit hebdo régional à Saint-Hyacinthe. Un jour, je reçois un appel d'un gars, un parfait inconnu qui s'appelle Bertrand Godin, et qui me dit « Écoute, moi, je suis pilote automobile, je suis de Saint-Hyacinthe, puis on organise un événement promotionnel dans la région de Saint-Hyacinthe à propos du Grand Prix de Trois-Rivières. » OK, donc ça t'a permis en même temps de rencontrer Bertrand. Exactement. Okay. Mais d'ailleurs, c'est toute l'histoire vient de là. OK. Alors, il me dit « J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose, on peut-tu se rencontrer? » Oui, oui, je vais rencontrer Bertrand. Et Bertrand étant le gars sympathique que tu connais, on est tout de suite devenus amis. Et là, on s'est revus, on a rejasé, et il m'expliquait que l'année suivante, cette année-là, il courait, c'est en 97, il courait avec Players, c'est l'année où il a gagné à Montréal, et l'année suivante, il s'en allait en Europe pour courir en Formule 3000. OK. Puis il dit « Bon, mais je vais t'envoyer des communiqués. » Papa Georges, on se rend compte que c'est lui qui écrit ses communiqués, mais il n'aime pas ça, il n'est pas très bon. Ben, je dis « Écoute, moi, je vais les écrire pour toi. » OK. Il dit « J'ai pas de budget, je m'en fous, je le fais parce que ça me tente. » Alors, c'est comme ça qu'a commencé mon amitié avec Bertrand. Okay. C'est comme ça qu'a commencé ma participation à des trucs automobiles. Quand Bertrand est revenu, il est devenu analyste pour la télé de Radio-Canada et il est devenu animateur pour une émission qui s'appelait Le Grand Test sur les ondes de Z-Télé. OK. Un jour, Bertrand m'appelle en me disant « Écoute, on est actuellement à la recherche d'un recherchiste pour l'émission Le Grand Test. » Chercher un recherchiste. Oui, exactement. Okay. Ils ont-ils engagé un recherchiste pour rechercher un recherchiste? non, pas vraiment. OK, c'est bon. Alors, il dit « J'ai donné ton nom, ça te tente-tu? » Oui, bravo. Alors, j'ai fait une saison et un peu plus avec Bertrand. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler davantage avec lui au niveau de la technologie. Okay. Parce que Le Grand Test, c'était essentiellement ça. C'était des éléments de technologie. Donc, j'ai écrit quelques émissions avec lui, travaillé avec Bertrand. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mon premier voyage pour le monde automobile. OK. Où je suis allé au salon de l'auto de Francfort. Quand même pas pire comme premier voyage. Ouais, mais attends, pour aller tourner des reportages, bien sûr, sur les technologies qu'on trouvait là-bas. Et sais-tu quand est-ce que c'est arrivé? Non. Okay. Le 11 septembre 2001. Ah, OK. Ça a pas dû être un voyage facile. Ben, nous, on était dans les airs quand les incidents sont arrivés, donc on ne sait rien. OK. Mais incident, évidemment, tragédie. Là, Oui. Et bien sûr, mon Dieu. OK. Donc, policier qui devait tourner à gauche et donc qui a coupé la GTR. Au moins, il nous a fait signe qu'il fallait qu'il aille là. Ouais. On était juste mal placé, mais bon. Exactement. OK. Donc, continue ton histoire. Tu étais à Francfort. Je suis allé à Francfort. Ouais. Je suis allé la même année au CEMA Show à Las Vegas avec Bertrand pour cette émission-là. On a réécrit les topos. Et suite à ça, Bertrand a eu une offre du journal La Presse pour écrire une chronique sur la technologie automobile. Il a dit, écoutez, oui, avec plaisir, à la condition que je la co-écrive avec Marc Bouchard. Et là, on avait tous les deux notre signature. Je n'étais pas un ghostwriter. Je n'étais pas un écrivain fantôme. Tu as été crédité pour le travail. Oui, absolument. Là. Okay. On signait l'article tous les deux, c'était clair. C'est bon. Ceci étant dit, ça, c'est toujours à temps partiel. Donc, parallèlement à ça, moi, je continue d'être journaliste à Saint-Hyacinthe. Le journal pour lequel je travaillais ferme. Il arrive toutes sortes de choses. Et il y a un autre journal à Saint-Hyacinthe qui m'appelle pour que je sois journaliste. Parfait, ça va bien, tout est beau. Et ce journal-là a une chronique auto. Et on me dit, écoute, on perd notre chroniqueur automobile à une certaine date. On aimerait ça, si ça tente, que tu prennes sa place. Alors, moi, je fais évidemment oui, bien entendu. Pourquoi pas? Il avait lu mes trucs avec Bertrand, sauf qu'eux autres, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment des essais. Donc, ça a été davantage le début de mes essais. OK. J'en avais fait quelques-uns auparavant, mais pas vraiment beaucoup. Donc, j'ai fait les essais. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc, j'ai commencé avec eux. Étrangement, drôle de concours de circonstances, j'écris avec eux. Je reçois un appel de mon frère. Okay. Qui, à l'époque, est réalisateur de l'émission du Guide de l'auto. OK. Qui a discuté avec Denis Duquet. Et Denis lui a dit, écoute, on cherche des nouveaux journalistes qui pourraient amener... Bien, ça donne bien. Mon frère, justement, écrit dans le courrier de Saint-Hyacinthe. Alors, il a amené des copies du courrier. Denis a apprécié ce qu'il a vu. J'ai rencontré Denis. Et c'est comme ça que j'ai rentré au Guide de l'auto. OK. Bon, c'est bon. Par la suite, bon, suite au Guide de l'auto, j'ai été là pendant quelques années. Je suis allé chez Auto123, où j'ai été coordonnateur vidéo et où j'ai fini assistant rédacteur en chef. J'ai eu une offre pour aller comme rédacteur en chef de Autonet, okay. Où j'ai été pendant 3 ans. Et j'ai eu une offre de TC Media, qui on avait décidé d'ouvrir un site consacré à l'automobile, okay. Mais qui n'était absolument pas... Il n'existait rien, là. Donc, je me suis assis avec l'équipe technique et on a conçu le site et ça a donné autogo.ca. OK. Parti ça de zéro, là. Parti ça de zéro. J'ai travaillé 6 mois là-bas sans rien publier ou presque parce que... Bon, et c'est comme ça. Donc, je suis allé chez Autogo. J'ai été chez Autogo pendant une couple d'années. Et par la suite, Autogo a une décision d'affaires. Ils ont modifié le contenu d'Autogo. Moi, j'ai quitté Autogo. Je suis allé chez Netmedia pendant 2 ans. Et je suis maintenant à mon compte. Ouais. À mon compte. Je suis maintenant pigiste. Faut que je te dise que parallèlement à ça, ma chronique dans le courrier de Saint-Hyacinthe que j'ai commencé en 2002, je la tiens toujours. OK. Ça fait 16 ans. Que je fais aussi beaucoup de radio. Je fais une dizaine, 10 à 12 entrevues radio par semaine. Ça, j'ai commencé ça aussi dans la région de Saint-Hyacinthe et ça s'est étendu un peu partout au Québec maintenant. Oui, parce que t'es à beaucoup d'endroits au Québec là, présentement. Oh, ouais, je suis dans une dizaine de régions différentes. OK. Donc ça va bien. Et finalement, je fais la télé, ça roule télé avec Cogeco que j'ai fait pendant 2 saisons et demie. Et je fais Virage à Québec sur les ondes de Télémarie. Donc, en gros, c'est ce que je fais, plus mon blog, bien sûr, marcbouchard.ca, sur lequel je suis moins actif. Sauf qu'actuellement, je fais aussi beaucoup de rédaction corporative. OK. Et quand je parle de rédaction corporative, c'est pas nécessairement dans le domaine automobile. J'ai des amis qui ont une boutique de vélo, par exemple, et je les aide à écrire des trucs pour leur blog. OK. J'ai des amis qui ont une boutique pour animaux et je les aide à écrire pour leur blog. Donc, tu touches un peu à tout. Absolument. En fait, pour le moment, je suis un rédacteur et c'est mon plaisir de le faire, mais je me garde régulièrement en faisant de l'automobile et en répondant aux questions des gens. Ça, c'est ma... Honnêtement, là, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Répondre aux questions du monde. Quand on reçoit des trucs sur Facebook ou par courriel, ou quand je fais de la radio, il est arrivé à plusieurs reprises qu'on s'est retrouvé à faire des lignes ouvertes, par exemple, et à répondre aux questions des gens. Ça, c'est la partie que moi, j'aime le plus. On se sent un peu utile dans ce temps-là, c'est le fun, c'est agréable. Ouais, puis en fait, c'est que souvent, on parle d'une part à des gens qui sont inquiets parce que ils savent pas quoi faire, puis c'est une grosse dépense d'acheter une voiture. Il est normal qu'ils soient un peu inquiets à cet égard-là. D'autre part, très souvent, on parle à des passionnés qui sont souvent meilleurs et plus passionnés que moi. Tu sais, là, moi, des fois, là, je parle à des gars, là, « Ouais, mais là, moi, j'ai tel modèle de voiture, puis j'ai mis tel genre de support. Bon, » honnêtement, j'ai pas ces capacités mécaniques-là. OK. Moi, ma spécialité, c'est davantage au niveau de l'usage du véhicule, du comportement routier, de la façon de conduire. Ça, c'est ma spécialité et ça, j'adore ça. C'est bon. Donc, ça fait le tour de ton début de carrière. Je te demanderais, ton plus beau voyage de presse à date, ça a été quoi? Oh mon Dieu, que c'est dur à dire. Prends-en un dans le tas qui te revient. Je te dirais qu'un voyage avec Smart, okay, à Madrid, où, bon, on a essayé la voiture, on est allé à Chinchon, pas loin de Madrid, et on a eu de la neige. C'était la folie furieuse, et on était avec des conducteurs mexicains, entre autres, qui autres n'avaient jamais vu de neige. Alors, ils ne voulaient pas qu'on parte avec les voitures au départ, parce qu'ils avaient peur qu'on ne sache pas comment négocier la neige. OK. Finalement, ben, pour d'évidentes raisons, on est parti pareil et on l'a fait. Mais la plus belle journée, ça a été la deuxième journée, où on nous avait pris chacun un guide. Donc, on roulait dans la ville de Madrid pendant une journée complète et on avait avec nous une guide. Dans mon cas, c'était une guide. On avait des endroits où on pouvait s'arrêter. Moi, je suis allé au musée de la Reina Sofia pour aller voir une toile de Picasso qui s'appelle la Guernica que je voulais voir depuis des années. Okay. Mais j'ai aussi eu l'occasion d'aller visiter en coulisses le stade du Real Madrid, le stade Barabeu du Real Madrid, parce que ma guide est allée à l'intérieur, est allée voir les gens, puis elle leur a dit, écoutez, je suis avec un journaliste canadien, puis il voudrait venir visiter. Alors, ils m'ont donné une passe média et j'ai pu aller visiter. Mais tout ça en essayant la voiture à l'intérieur de la ville, bien entendu, dans le trafic, dans des conditions complètement folles. On s'est retrouvé dans un sens unique, à l'envers, face à un camion, bref, la totale. Mais ça a été vraiment une expérience assez particulière et probablement une des façons que j'ai le plus apprécier une voiture pour ce qu'elle est vraiment. OK, parce que c'est une voiture qui est faite pour ça. Exactement, c'est une voiture de ville, donc c'était idéal pour ça. Là. Super. Fait que ça, c'est un des souvenirs. Il y en a des tonnes, là, mais celui-là, c'est un des bons souvenirs. Celui qui t'a marqué. Oui. La voiture la plus incroyable que t'as jamais que t'as conduit. Ah, ben la Bugatti Veyron, la Grande Sport version vitesse que j'ai essayé pour quelques kilomètres à peine dans la région de Toronto, mais qui est vraiment une voiture complètement folle, là. C'est l'apothéose de l'automobile. Je n'ai pas essayé la Chiron, mais écoutez, l'Aveyron, imaginez, là, c'est le genre de voiture qui avait une vitesse maximale de 404 km/h et où, quand on appuyait à fond, pendant 17 minutes, le réservoir était vide. Ouais. Alors, tu sais, c'est une fusée, là. C'est juste que ça avait des roues, mais c'est une fusée. Alors, c'est probablement la plus exceptionnelle des voitures que j'ai conduites. J'ai conduit aussi des voitures d'exception, des voitures de collection, des trucs comme ça. Mais celle-là, c'est particulier. C'est vraiment une expérience assez unique. Je te demande le contraire. La pire voiture que tu as jamais conduite? Oh, ça, c'est difficile à dire. Moi, je suis pas du genre à trouver qu'une voiture est une mauvaise voiture. C'est plus souvent des mauvais usages. Ce que j'ai essayé, la plus difficile, une parmi les moins faciles, c'est probablement les vieilles voitures d'époque. Conduire une Ford T, par exemple, avec la double pédale, c'est des particularités, mais est-ce que c'est une pire voiture? Bon, c'est dur à dire. OK, donc t'es pas capable de me dire une voiture, là, franchement, que t'aurais pas recommandé à personne d'acheter, t'en as pas vraiment vu. Ben écoute, c'est sûr que les voitures se sont améliorées énormément au fil des ans, puis que oui, il y a eu des bazous au fil des différentes années. Mais c'est pas mon genre vraiment de dire qu'il y a des voitures qui étaient extrêmement mauvaises là. OK. J'en ai pas. OK. C'est bon. Donc Marc, on arrive à destination. Ton téléphone sonne, on va finir le bloc là, puis on va revenir un petit peu plus tard pour le deuxième bloc. Nous sommes de retour et Marc, on est assis dans une voiture d'exception, quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, un, de s'acheter et deux, même de s'asseoir les fesses dedans. On est dans la McLaren 720S. Ouais, effectivement. C'est une voiture qui, comme elle est là, vaut 371 000 $. Donc plus cher que ma maison. Plus cher que la mienne aussi. Donc toi, quand tu vas mettre ça dans ton stationnement, ce soir, ta maison va comme doubler de valeur ou... Exactement. Puis okay. Je vais mettre d'autres choses en arrière pour être sûr que personne ne puisse sortir de la cour avec. Ouais, j'imagine. C'est effectivement une voiture d'exception. C'est une voiture qui, au niveau de la construction, est d'abord une voiture ultra légère, faite en fibre de carbone. On a d'ailleurs le fibre de carbone apparent à l'intérieur des portières. Mm-hmm. Bien sûr, les fameuses portières qui s'élèvent là, en aile de mouette, si tu veux. Bon, c'est pas vraiment Lamborghini, ça ouvre pas vraiment droit, ça ouvre un peu en angle. Non, c'est pas du tout en ciseau, là. C'est vraiment en aile de mouette. Ben, c'est vraiment en ligne droite, un peu comme l'ancienne Mercedes SL le faisait, avec une partie du toit qui s'élève aussi, partie du toit qui normalement est vitrée. Donc, ça fait vraiment un effet absolument spectaculaire. Ouais. On a une voiture qui est de couleur qu'on appelle couleur quartz, qui est donc assez foncé, avec un intérieur prune et gris. C'est magnifique. C'est vraiment une qualité de finition exceptionnelle. Bien sûr, c'est une McLaren. C'est une voiture qui est d'abord conçue pour la performance. La 720S, c'est une des voitures les plus performantes de la famille. Bien sûr, là, vous allez me dire, oui, mais il y a la Senna, puis oui, il y en a d'autres, là, mais la 720S est une voiture qui est absolument spectaculaire dans toutes ses capacités. Écoute, à titre d'information, par exemple, moteur V8 4 litres, 710 chevaux. C'est presque rien. Bien sûr, c'est un moteur turbo, tu as compris. Là, mais c'est 710 chevaux, 568 livres-pieds de couple, un 0-100, 2,9 secondes. Quand même assez rapide. Un peu plus rapide que la GTR qui est à côté. Ouais, dont on va parler après. Mm-hmm. Mais donc, c'est une voiture qui est absolument phénoménale. Bien sûr, c'est la version, c'est la coupée. C'est une auto qui se conduit, en tout cas j'ai pas eu l'occasion de la conduire beaucoup encore, mais si je me fie à mes expériences passées de McLaren, c'est vraiment des autos qui se conduisent du bout des doigts et qui jumellent à la fois le raffinement, je te dirais le raffinement britannique, et l'espèce de brutalité d'une voiture sport. Quand tu mets le pied dans le fond, je te jure que les oreilles te décollent, c'est pas trop long. C'est assez impressionnant tout ce qui se passe avec ce véhicule-là. Véhicule qui est un peu complexe, à mon avis, au niveau de l'ergonomie. Oui, il y a beaucoup de boutons, mais c'est pas nécessairement identifié facilement. Mais encore là, la personne qui achète la voiture, un coup, tu le sais. Là. Mais c'est ça. Et j'ai eu l'occasion, bon, tu sais, quand on a déjà conduit, il y a des principes qui sont les mêmes. Tu as les modes de conduite que l'on peut utiliser au niveau de la transmission, par exemple, au niveau des suspensions et tout ça. On peut la mettre en mode manuel. On a des palettes derrière le volant. Dans notre cas, le représentant de McLaren Montréal, chez qui on est allé chercher la voiture, nous disait, ben les palettes qu'on a mis là, c'est les palettes de base, les petites palettes. On aime moins ça. On aime mieux quand on a les plus grosses. Ça permet vraiment d'avoir un parfait contrôle dans toutes les conditions, ce qui est tout à fait exact. On peut aussi placer cette voiture-là en mode track, donc en mode piste. C'est particulier parce qu'à ce moment-là, le tableau de bord devant toi se cache. OK. Et on ne le voit plus. On a simplement des affichages numériques qui sont là. Parce qu'il y a un autre écran dans l'écran. C'est vraiment c'est comme si c'était une tablette. L'écran de cette voiture-là, c'est tout numérique. Il n'y a pas de cadran physique. Là. Il n'y a pas de cadran avec des aiguilles. Puis quand on démarre la voiture, il se relève. Quand on arrête la voiture, il se redescend. Mais il y a un deuxième écran sur le dessus de l'écran qu'on ne voit pas quand il est en position élevée. C'est que ça facilite à ce moment-là la visibilité. Donc, c'est vraiment une voiture d'exception. Du point de vue aérodynamique, c'est une des voitures les plus efficaces actuellement. Bon, évidemment, le coefficient d'aérodynamique qu'on nous donne, c'est un peu n'importe quoi parce que chaque compagnie le calcule de façon différente. Okay, à leur avantage, À leur avantage la plupart du temps. Donc, on ne peut pas comparer l'un et l'autre, vraiment. Par contre, c'est l'une des voitures les plus efficaces du point de vue de diminution de la friction. C'est vraiment superbe. Notre voiture n'est pas la plus équipée. OK. Il y en a une au-dessus. Il y en a une au-dessus. Nous, on a la version Luxury. Tu as la version Performance qui arrive avec bon, des couleurs différentes, des éléments différents. Et un prix plus élevé. Et un prix légèrement plus élevé, mais il y a des éléments qui sont particuliers. Par exemple, nous, on a les roues qu'on appelle des lightweight. La version Performance a des roues qui s'appellent de mémoire les super lightweight. Ils sont encore plus légères. Ultra lightweight. Okay. Donc, ils sont encore plus légères. Évidemment, c'est pas une différence que tu vas ressentir au jour le jour. Cette voiture-là est conçue pour être à la fois utilisée sur la route et à la fois utilisée sur la piste. On nous disait, le représentant, toujours chez McLaren Montréal, nous disait, écoutez, c'est une voiture qui est absolument là, idéale dans toutes les conditions. Lui disait, ben écoutez, il y a la 570 qui est une voiture un peu plus petite que j'ai eu l'occasion d'essayer l'année dernière. Mm-hmm. Elle est suffisante si vous n'avez pas l'intention d'aller sur la piste, mais sur la piste, celle-là, c'est vraiment celle qu'il faut aller chercher. Et honnêtement, avoue qu'on n'est pas inconfortable. Non, on est très bien assis. Juste particularité d'ergonomie, ouais. pour déplacer les sièges, les boutons sont comme à l'avant ici. C'est pas, encore une fois, c'est pas très convivial, c'est pas habituel, c'est à l'envers de ce à quoi on est habitué. Donc, je pense que c'est, tu sais, comme tu l'as dit, c'est sûr que quand tu achètes la voiture, tu t'y fais rapidement, et je m'y habituerai probablement assez vite. Moi, j'imagine. Mais n'empêche que ça fait partie des éléments là, que l'on aime bien différencier chez McLaren, avoir une personnalité différente. Donc, on va reparler de la voiture probablement sur l'émission de la semaine prochaine. Parce que ça, tu vas avoir l'occasion de la conduire pour le week-end. Exactement. Moi aussi, la voiture qu'on va parler ensuite, j'ai l'occasion de la conduire jusqu'à lundi, moi aussi. Donc, c'est des voitures qu'on a pour le week-end seulement. On va en reparler sur l'émission de la semaine prochaine, plus nos expériences de conduite et tout ça. On a aussi fait le tour. La personne chez McLaren a été quand même assez gentille pour nous faire le tour de la concession. C'est magnifique, là. Écoute, il faut savoir que c'est une des concessions les McLaren les plus récentes. C'est une des concessions McLaren les plus efficaces et les plus performantes aussi. On anticipe pour la première année 60 voitures vendues dans l'année, ce qui est quand même énorme. Pour ce genre de voiture-là. Pour ce genre de voiture-là, oui. On parle de voitures là, qui valent 200-300 000 $. Tu parles d'un concessionnaire généraliste, 50 voitures par année, il ferme ses portes. Mais c'est ça. Un concessionnaire généraliste va vendre 300-400 voitures là, en région. Mais quand même, c'est beaucoup. Et ils ont vraiment ils ont bien aménagé. C'est une concession qui est magnifique. Elle est superbe. Elle est très moderne. Ils ont un bel inventaire de voitures McLaren. Les gens qui veulent s'en acheter... C'est une particularité, ça aussi, de McLaren. C'est que quand tu vas t'acheter une voiture d'exception, souvent, tu as à attendre plusieurs mois. Ouais. Parce qu'ils l'ont pas en stock. Dans leur cas, si tu es prêt à prendre ce qu'ils ont, ils en ont. Ils ont un inventaire. Donc, tu n'as pas d'attente vraiment. Ça, c'est particulier. Ils ont un espace de rangement pour les voitures, les gens qui veulent l'entreposer. Ils ont un département d'esthétique. Ils ont un magnifique garage. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un endroit... c'est vraiment tout nouveau, tout beau. C'est vraiment superbe. Une belle concession, j'avoue, là, particulière, qui est localisée en même temps avec Jaguar Land Rover. Ouais. Donc, on n'est pas dans la... Et on a eu l'occasion d'aller dans le sous-sol où on s'est enfargé dans deux ou trois petites voitures que j'aurais bien pris. Ouais, moi aussi. Dont une Jaguar E-Type 1971 qui est absolument magnifique. Elle avait l'air neuve, là. Elle avait l'air neuve. Littéralement, c'est à sortir de chez le concessionnaire. Donc, c'est une superbe voiture. Malheureusement, celle-là, on ne pourra pas l'essayer. Non, puis beaucoup de voitures dans le sous-sol non plus. Il y avait quelques Ferrari. Il y avait trois Jaguar F-Type. Jaguar F-Type, Audi R8 et beaucoup de McLaren et des Land Rover, bien entendu. Et une Porsche GT3 aussi. Ouais, ce qui fait un peu pitié. Bon. OK. Donc, si on parle maintenant de la voiture avec laquelle je vais passer mon week-end, la Nissan GT-R. Ouais, moi, j'ai passé les trois derniers jours à son volant. Ouais, parce qu'on est en garde partagée cette semaine. C'est ça, exactement. Ce qui est vraiment rare, là, ça n'arrive pas. Là, c'est comme si on avait un enfant d'une manière bizarre, puis on se le partageait cette semaine. C'est vraiment trop d'informations. Mais ça serait un pas pire enfant à avoir, par exemple. La GT-R, écoute, la GT-R, c'est une voiture. C'est une voiture d'exception, c'est une voiture qui est iconique, une voiture qui a fait sa renommée, entre autres, à l'époque, alors qu'elle s'appelait Skyline. Non, Skyline GT-R, ils ont perdu le nom Skyline à un moment donné. Exactement. En fait, au Japon, ils ont gardé le nom Skyline, okay. Mais c'était l'Infiniti G37. OK. Alors, ça n'a rien à voir. Alors, la GT-R, elle est aussi renommée pour ses performances dans Gran Turismo. Mm-hmm. Tout le monde que j'ai rencontré cette semaine, qui ont à peu près notre me disait, oui, je l'ai conduit dans Gran Turismo. Oui. Alors, les plus jeunes aussi se souviennent de cette voiture-là au niveau de ses performances dans Gran Turismo. Oh, oui. C'est une voiture qui a du style, qui a de la gueule. On l'appelle Godzilla parce qu'elle a l'air d'un monstre. Elle est belle, mais elle a l'air méchante. Quand tu la regardes, là, on s'entend pour dire que c'est pas une voiture qui est tout en délicatesse, tout en finesse. Mais c'est une voiture aussi que les gens qui achètent ça peuvent, les tuners peuvent monter ça à 1000 chevaux et plus, oui, sans problème. Là. Fait que c'est une voiture qui était peurante. coûte pour des voitures, des fois, qui sont 2, 3, 4 fois son prix, parce qu'elle est capable de le battre sur le drag si tu fais juste modifier un peu des choses. Puis même dans son modèle de base, là, c'est une voiture qui est extrêmement rapide en ligne droite. 4 roues motrices, transmission automatique à deux, double embrayage, V6 turbo de 560 quelques chevaux. 565. Et là, ça, c'est particulier parce que le moteur de la GTA, j'ai eu l'occasion il y a quelques années d'aller visiter l'usine, est assemblé à la main. Oui. OK? Mais il n'est pas assemblé à la main n'importe comment. Il n'y avait à l'époque que 4... Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un petit peu plus nombreux, mais dans le temps, il n'y avait que 4 personnes autorisées à signer les moteurs. Comme quoi, le moteur était complet donc, et... l'atelier propice, montait et eux faisaient les derniers tests avec des micromètres là, pour vraiment mesurer toutes les formes pour s'assurer que tout était conforme. Et une fois que c'était fait, ils apposent leur nom. Si tu ouvres le capot de la GTA, tu vas voir que Izushumi, je ne sais pas quoi, a signé le moteur, effectivement, de cette GTA-là en particulier. C'est un des 4 que j'avais rencontré à l'époque. Ce que ça veut aussi dire, c'est que la transmission est jumelée là-dessus manuellement. Okay. Donc, elle n'est pas comme par des machines, des robots et tout, comme c'est fait ailleurs. Ça veut dire que les 565 chevaux, ça peut être 560 comme 570. Okay, parce c'est que variable. Comme les jumelages sont faits manuellement, c'est variable, c'est pas aussi précis que ça. Donc, si tu la mets sur un dyno, ça se peut que la puissance soit pas celle qu'on a annoncée. En moyenne, c'est 565, tu l'as dit, avec un moteur V6, 0-100, 3.3 secondes, ce qui déménage quand même pas mal. Mais évidemment, c'est en utilisant le système de launch control. Ouais. Par contre, tu vas voir qu'en accélérant, en faisant des 0-100, même sans launch control, tu vas voir que ça déménage solidement, que ça décoiffe pas pire. Moi, je suis parti d'une lumière tantôt, puis je me suis aperçu que ça... Ouais, j'ai vu ça. Ça agrippait. J'ai maintenu les limites de vitesse, mais ça décolle. J'ai vu ça, je te suivais, puis je t'ai perdu de vue parce que moi, j'ai pas fait ça. Mais bon, parce que toi, t'as passé sur une lumière qui était jaune-orange. Non, j'étais arrêté. J'étais arrêté. Puis quand elle est passée au vert, je suis parti. Non, je n'ai pas brûlé de lumière orange. Pas aujourd'hui, en tout cas. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une voiture particulière. C'est une voiture qui a aussi des défauts. C'est une voiture qui est d'une grande lourdeur. Donc, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur la piste, pas celle-là, mais dans le passé. C'est une voiture qui demande beaucoup de maîtrise au niveau de la piste. Parce que vraiment, elle est lourde, elle est pesante. Tu vas t'en apercevoir aussi, même juste quand on recule, on sent que c'est comme si le rouage intégral embarquait, puis c'est vraiment pas si facile, hein, pas si maniable que ça. Okay. Mais encore, évidemment, c'est très particulier, puis c'est très, très spécial. Et je sais pas vraiment pourquoi ils ont mis 2 bancs en arrière. Ouais. Parce que, écoute, moi, je suis pas grand. Quand j'ai installé le siège de la bonne façon, il y a personne, absolument personne qui peut s'asseoir derrière. J'ai essayé mon petit-fils qui a 4 ans, puis même lui n'était pas capable de se placer derrière. Mais je pense que c'est une question de règlement au Japon. Ouais. C'est la même chose avec la BRZ, puis ce qui était la FRS, qui est la Toyota GT maintenant. Il y a 2 places en arrière qui sont un peu plus utilisables que peut-être ce qu'il y a dans le GTR, mais c'est pour avoir... je pense qu'il y a des questions de taxes, quelque chose comme ça, pour en fait, une voiture. C'est au niveau des assurances. C'est ça. C'est que les assurances sont beaucoup plus dispendieuses quand on a une voiture 2 places plutôt qu'une voiture 4 places au Japon. Mais on aurait pu récupérer cet espace-là puis l'utiliser autrement, je pense. On aurait pu. Bref, je sens que ça aura beaucoup de plaisir. On va s'en reparler aussi la semaine prochaine. Oui, on va reparler de cette voiture-là aussi la semaine prochaine. Donc, nos 2 voitures d'essai cette semaine. Je pense que c'est une belle façon pour nous de souligner notre 100e émission. C'est pas pire, puis c'était même pas prévu en plus. Non, et on est content de le faire. On va essayer au cours des prochaines émissions de vous réserver d'autres surprises, pas nécessairement de cette nature-là, peut-être des surprises qui vont vous impliquer davantage. Je vous en reparlerai au cours des prochaines semaines. Mais pour le moment, pour nous, ça va être le temps de prendre le volant. Oui. On va s'amuser un peu. Oui. Ouais, du plaisir. On vous invite à nous rejoindre comme d'habitude. Moi, vous pourrez me rejoindre sur Twitter à Marc Souligné Bouchard. Bien sûr, sur ma page Facebook, c'est là que je suis le plus actif, sur mon site marcbouchard.ca ou à info@saroulradio.com. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Et sur notre page Facebook, Saroule Radio, où on a fait des Facebook Live avec les 2 voitures, où on a posté des photos des 2 voitures. et mon épouse qui m'appelle au moment où je vous parle. Et bien sûr, on vous invite à nous faire parvenir vos commentaires. On s'excuse de cette émission écourtée. On est un peu trop anxieux d'aller rouler avec nos ça, autos. Ça, puis il fait chaud aussi dans l'auto. Il fait chaud pas mal. Alors, Luc, toi, on te rejoint comment? Sur Twitter, Scalazormo. Sur Facebook, Luc Desormeaux. Vous pouvez aussi me suivre sur une autre émission que je fais qui s'appelle Réalité Augmentée. Pour Ça Roule Radio, vous pouvez nous écouter à travers sportradio.ca, à travers Radio Média Plus. Vous pouvez nous télécharger sur Google, Google ou aussi sur le iTunes. Et puis, vous pouvez aller sur le site directement saroulradio.com. Si vous avez des questions, des commentaires, allez sur Facebook ou écrivez-nous. Ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Comme Marc l'a dit, c'est un de nos petits plaisirs de jaser avec les auditeurs. Ça fait aussi, au moins, on sait que vous existez. Et puis, si vous voulez, suivez un peu le Facebook de Ça Roule Radio ce week-end. Là, je vais avoir la GTR. Je vais essayer de faire quelques petits Facebook Live de temps en temps. C'est une voiture d'exception et je veux en profiter un petit peu. Ouais, moi, ça va être plus sur ma page personnelle, je vous l'avoue. S'il y a quelque chose avec la McLaren, c'est là que vous allez l'avoir. Super. Donc, merci Marc. Merci à toi. Bon week-end. Profites-en bien. Puis on s'en reparle la semaine prochaine. C'est beau. Salut tout le monde.